Salut à tous, bienvenue dans été.mp3, votre émission quotidienne tout l'été sur Radio No Culture. Aujourd'hui, on écoute Devin Townsend avec une chanson sortie de l'album Z2 en 2014. C'est Universal Flame, on en parle après, c'est parti. Thank you. Devin Townsend avec Universal Flame. Alors c'était une version live au Royal Albert Hall où il a fait un concert assez fantastique, je crois de 2 heures, quelque chose comme ça. Enfin un truc assez monstrueux que vous pouvez retrouver en entier, il me semble, sur YouTube. Une chanson qui sort de l'album Z2. Alors pourquoi Z2? Parce qu'il a fait un album quelques années avant qui s'appelait Ziltoid the Omniscient, dans laquelle un extraterrestre donc qui s'appelle Ziltoid envahit la Terre pour voler tout le café qui est son carburant pour je crois traverser les étoiles, créer des trous de verre, quelque chose comme ça. Et donc il a créé une espèce de, je sais pas si on peut appeler ça une comédie musicale, mais quelque chose d'assez débile comme ça, dans lequel un extraterrestre essaie d'envahir la Terre pour du café. Je crois qu'il y a des super héros qui essaient de l'empêcher. Voilà, et ça part très vite en n'importe quoi. Mais je voulais surtout vous parler de Devin Townsend, qui est peut-être un des meilleurs compositeurs de métal de ces 10, 15, 20 dernières années. Voilà, si vous ne connaissez pas, il a un style voilà, très, très, très massif, très, très grandiose comme ça. Même quand c'est des chansons assez calmes, derrière il y a 12 guitares électriques qui font des nappes, des chœurs, etc. Et pourtant ça reste des chansons bizarrement calmes qu'on pourrait jouer avec une guitare acoustique. Mais voilà, il en fait toujours des caisses, mais il en fait des caisses vraiment très bien. Et je voulais vous faire écouter cette chanson aussi parce que même s'il vient du métal et qu'il a des chansons assez vénères, il sait aussi aller vers quelque chose de plus grand public. Là, c'est presque de la pop finalement. Ce qu'on écoute, alors j'exagère un peu évidemment, hein, on va dire du rock. Sur cette chanson-là, il n'y a pas vraiment de gros riff métal dans lequel on pourrait secouer nos longs cheveux, mais ça reste quelque chose d'assez massif. Voilà, et puis surtout aller voir des vidéos de ses concerts, c'est assez marrant. Il y a quand même pas mal de gens avec lui. Derrière il y a des chœurs qui sont habillés comme les extraterrestres justement de son album qui vont faire les chœurs, et voilà. Et puis c'est extrêmement bien maîtrisé, c'est toujours intéressant, et c'est toujours extrêmement massif. Si vous voulez écouter quelque chose voilà qui vous prend vraiment au trip et qui va aller assez loin, et ben Devin Townsend c'est peut-être le l'écoute idéale. Alors j'avoue que j'ai pas tout écouté parce que c'est un artiste très très prolifique. Il sort quelque chose comme un CD entier tous les 2 ans, quelque chose comme ça, et ce depuis 25-30 ans. Et donc j'avoue que j'ai pas encore tout écouté parce que c'est un petit peu désespérant quand on voit sur Wikipédia et qu'on voit la liste de ses albums. Bon, tout écouter prendrait quelques jours. Et donc voilà, je savais pas trop par où commencer moi, mais du coup je vous donne ce petit conseil, voilà, Universal Flame sur l'album Z2. Il y a plein d'autres chansons que j'aime beaucoup. Storm Bending est très très bien, une chanson à laquelle j'ai hésité, je voulais vous mettre l'autre et finalement j'ai opté pour celle que vous venez d'écouter, c'était Offer Your Light, qui est pour le coup un peu plus balèze, mais qui a vraiment ce côté très positif finalement, et quand vous verrez la gueule du mec, vous comprendrez pourquoi je dis ça. C'est quelqu'un qui a l'air vraiment très très sympathique. Et voilà, une chanson Offer Your Light qui a parlé de mettre sa rage au service de quelque chose de plus grand, de positif, de choses comme ça. Voilà, Universal Flame de Devin Townsend, c'est sorti l'original sur scène en 2014. Là, le live que je vous ai mis, il me semble que c'est 2016, 2017, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Mais voilà, ce live-là est aussi à voir. Et puis même pour les capacités techniques de Devin Townsend, alors la guitare, il est vraiment très bon en guitare, mais il a surtout une voix assez incroyable, vraiment très très puissante. Et qu'il travaille beaucoup. D'ailleurs, vous pouvez voir des vidéos de lui travaillant sa voix sur sa chaîne YouTube, et d'autres vidéos. Par exemple, pendant le confinement, il a fait des concerts tout seul. C'est-à-dire que puisqu'il fait lui-même tous ses albums, donc tous les instruments, sauf la batterie, qui est une batterie, a priori, assez souvent, il programme une batterie électronique, et du coup, il fait le mixage derrière, c'est quasiment lui qui fait tout, quoi. Il suffit d'enlever sa voix et sa guitare, et il a fait des concerts pendant le confinement, avec plusieurs caméras qu'il contrôlait avec une manette de Xbox, et il jouait et chantait en même temps. Voilà, c'est assez marrant à regarder, voilà, pour récolter des fonds pour un hôpital, je sais plus lequel, un hôpital canadien, parce que Devin Townsend est canadien. Voilà, Devin Townsend. N'hésitez pas à aller écouter ça, c'est vraiment très très très très très très très très très bien. Et voilà, moi je vais vous quitter là, je vous dis à la prochaine. Et salut tout le monde, bienvenue dans été.mp3, votre émission quotidienne sur Radio Nos Cultures. Aujourd'hui, on écoute Yann Tiersen avec une chanson tout au piano sortie en 2016 sur son album Eusa. On écoute Porzgoret. Voilà, c'est parti. Yann Tiersen avec Porzgoret, une chanson qui est sortie sur son album Eusa, je ne sais pas trop comment on le dit, qui est dans le nom breton de l'île d'Ouessant, et une version qui était vraiment en live. Voilà, je ne sais pas si certains connaissent déjà cette chanson, mais sur YouTube, voilà, c'est filmé sur une espèce de falaise bretonne, et Yann Tiersen arrive et joue vraiment son morceau en live. C'est pour ça qu'il y a des petits artefacts, des petits grondements un peu, c'est le vent dans les micros. Voilà, Porzgoret, donc une chanson sortie sur l'album Eusa en 2016. Un album particulièrement intéressant pour les pianistes, peut-être, parce que donc c'est un album déjà entièrement au piano solo, et qui est vendu en plus avec les partitions. de toutes les chansons. Donc voilà, pour le pianiste, c'est peut-être intéressant. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore trouvable, mais bon, il doit y avoir quelque chose, il doit y avoir un truc sur le bon coin. N'hésitez pas à aller voir ça. Jan Tiersen, un artiste que vous connaissez sûrement pour la bande originale de d'Amélie Poulain, le fabuleux destin d'Amélie Poulain, sorti en 2001, si je ne dis pas de bêtises, et qui a fait aussi Goodbye Lenin, il me semble, la bande originale de Goodbye Lenin, qui a fait beaucoup, beaucoup d'autres choses. Entre temps, c'est un gros musicien qui joue quand même pas mal d'instruments, donc c'est surtout piano, accordéon, un peu de violon aussi, mais voilà, après il compose pour beaucoup d'instruments. Et il va pas hésiter à prendre des instruments un peu atypiques, on va dire. Voilà, pas hésiter à mettre une guitare électrique, pourquoi pas une chanson. Il y a une chanson aussi, il me semble, c'est sur le beau d'Amélie Poulain, qui commence avec une machine à écrire. Voilà, avec les tac-tac du clavier d'une machine à écrire. Et voilà, toujours dans cette ambiance-là, assez douce, et finalement assez simple quand on écoute. Quand on décortique un peu les chansons de Jan Tiersen, c'est souvent quatre accords dans les graves qui vont faire un arpège dans les graves et une mélodie dans les aigus au piano. Ça va souvent tourner autour de ça, mais c'est des accords très bien choisis, des petites mélodies très bien choisies. Et après, il va refaire ça sur l'accordéon, refaire ça sur un autre instrument, etc. En tout cas, voilà, si vous ne connaissez pas Jan Tiersen, bon, ça m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais, n'hésitez pas à aller écouter ses chansons, ou à taper Jan Tiersen sur YouTube pour avoir une espèce de patchwork de tout ce qu'il a fait. Voilà, moi, personnellement, j'ai commencé il y a longtemps avec la bande originale du fabuleux destin d'Amélie Poulain, qui est vraiment une bande originale assez incroyable et qui donne beaucoup au film. Je pense que moi j'aime beaucoup le film, je pense que c'est aussi parce que la musique est assez incroyable, et les deux se marient vraiment très bien. Voilà, Jan Tiersen avec Postgoret, sorti en 2016 sur l'album Eussa, je ne sais pas, je parle très peu breton. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre, hein, je vais le répéter un peu, mais radionoculture.wordpress.com, sur lesquels vous pouvez retrouver toutes nos émissions. On a aussi un Instagram et un Facebook si jamais vous voulez nous suivre. Et écrivez-nous à radionoculture@gmail.com. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle chanson. Bonjour à tous, bienvenue dans été.mp3, 12e chanson que je vous fais peut-être découvrir aujourd'hui. Santeria, une chanson qui s'appelle Santeria, une chanson originellement du groupe Sublime. Aujourd'hui, on va écouter une version live à Rio en 2012 avec le groupe qui s'est reformé avec l'autre chanteur qui s'appelle Sublime with Rum. Santeria en live à Rio au Brésil en 2010. C'est parti. That she found, well, I'd pop a cup in Sancho and I'd smack her dead. Would I really want to know? Ah, baby, would I really want to say I can't define? Well, it's love that I leave. Oh, but my soul had to wait till I get back, find a hana of my own. Daddy's gonna love, wanna know. And I feel the break, and I gotta live it up. Oh yeah, and I swear, yeah, what I really wanna know. Ah, baby, what I really wanna say is there's just one. Got love, make it go. To stick that. Sublime with Rome Santeria, une chanson sortie, une chanson que là, qu'ils ont joué en live en 2010 à Rio au Brésil. Voilà pourquoi j'ai choisi cette chanson, parce qu'il faut absolument que vous allez voir ça sur YouTube, parce que je n'ai pas choisi en live au hasard. C'est vraiment un moment assez incroyable, le soleil est vraiment à quelques minutes de se coucher, il y a une lumière orange sur toute la scène, et ça c'est assez paradisiaque. Voilà, quand la caméra se tourne, il fait vraiment nuit, et quand elle va vers le soleil, vraiment il y a une espèce de coucher de soleil de cinéma. Et du coup, avec cette chanson là en particulier, ben ça marche particulièrement bien. Voilà, il y a une espèce de calme qui se dégage, une espèce de bonheur qui se dégage de cette vidéo. Voilà, Sublime, qui était un groupe donc qui mélangeait un peu du reggae, ska, rock, quelque chose comme ça, qui a malheureusement perdu son chanteur, je sais plus, c'est fin 90 ou début 2000, quelque chose comme ça, et qui ensuite, quelques années après, a commencé à chanter avec Rome, donc il est le nom du chanteur que vous avez entendu sur cette chanson, et donc ils ont créé Sublime with Rome, dans laquelle ils vont chanter des chansons des deux groupes, et un peu réadapter un peu les chansons. Là, il me semble qu'elle va un peu plus vite que l'original. Voilà, donc c'était Santeria en live à Rio. Petit fun fact, dans ce groupe-là, Sublime with Rome, le batteur, un des batteurs, parce que c'est un peu tourné, il me semble que là, sur cette vidéo, il est aux percussions et pas à la batterie, ben, c'est le nouveau batteur des Foo Fighters, dont on a parlé il y a quelques semaines dans la boîte à gants avec Seb et Bichente. Mais voilà, je voulais surtout vous conseiller d'aller voir cette vidéo sur YouTube. Après, vous pourrez évidemment retrouver toutes les chansons de Rome, de Sublime et de Sublime with Rome sur toutes les plateformes et sur YouTube, etc. Mais voilà, je voulais vraiment vous conseiller d'aller voir surtout cette vidéo là. Vous tapez Sublime with Rome, Rio, Santeria, quelque chose comme ça. Voilà, c'était en 2010 et c'était assez fantastique. La vidéo en tout cas donne vraiment envie d'y être, et ça donne envie aussi d'aller un peu plus voir des concerts, aller dans des festivals. Et ça tombe bien, c'est l'été, il y a plein de festivals, donc n'hésitez pas à y aller, c'est toujours un bon moment. Et voilà, c'est parti. Moi, je vous dis à demain, certainement. Salut, bienvenue dans été.mp3, votre émission quotidienne tout l'été sur Radio Nos Cultures. Comme tous les jours, je vais vous présenter une chanson que j'apprécie particulièrement. Et aujourd'hui, on va parler cinéma, puisqu'on va parler, on va écouter plutôt une chanson de la bande originale de Moulin Rouge, sortie en 2001. C'est une reprise de Police, c'est le tango de Roxane, El Tango de Roxane, plutôt, puisque dans l'original, c'est vraiment en espagnol. On écoute ça et comme d'habitude, on en parle après 2001 dans le film Moulin Rouge, El Tango de Roxane. Don't have El Tango de Roxane, sorti de la bande originale de Moulin Rouge, un film sorti en 2001, un film de Baz Luhrmann, assez original, puisque plutôt que d'inventer des chansons ou de reprendre des chansons telles quelles, il a décidé de reprendre des classiques d'un peu tout, pop rock, etc., et de les réarranger pour en faire du coup ce film. Alors, réarrangement fait par Craig Armstrong, voilà, donc pour ce film sorti en 2021. Là, on peut écouter Ewan McGregor, Nicole Kidman, alors peut-être pas en cette version Nicole Kidman, Roger Feliciano et Jacek Koman. Donc voilà, c'est les trois qui chantent. Et dans la version longue, peut-être, la version du film, on entend un petit peu Nicole Kidman. Voilà, là, c'est vraiment la version album. Dans le film, il y a une petite partie en plus au milieu qui rajoute quand même, je trouve, peut-être un peu plus de trucs, mais qui est peut-être un peu moins radiophonique, donc je préférais vous mettre cette version-là. N'hésitez pas à aller voir la version du film, voire même aller voir le film tout court, parce que c'est vraiment un très très bon film. Une espèce de version, je ne sais pas si on peut dire Roméo et Juliette, mais non, quand même pas. Peut-être pas, non, pas du tout d'ailleurs. Mais voilà, un film assez tragique, mais avec vraiment un parti pris extrêmement intéressant. Donc Moulin Rouge avec du coup ces chansons qui sont, il y a beaucoup de chansons connues, Lady Marmelade et des trucs comme ça que vous connaissez déjà, mais dans des versions assez différentes. Et puis Baz Luhrmann, comme dans sa habitude, il s'est filmé ce genre de truc, c'est toujours des décors vraiment cool, et la caméra suit vraiment bien le truc, et il y a toujours cette intention qui est donnée par la caméra et qui va être appuyée par la musique, ou l'inverse d'ailleurs. Mais voilà, le tango de Roxane, qui est quand même un moment assez assez difficile du film, enfin difficile, voilà, la chanson est grandiose, mais c'est pas le moment le plus joyeux du film, dirons-nous, mais voilà, la musique reprend très bien, donc le thème du film à ce moment-là, je sais pas trop quoi dire jusqu'où je peux vous spoiler, mais le thème de la chanson colle vraiment à ce moment-là du film, et cette version-là très tragique marche vraiment avec ce qui se passe à ce moment-là. Voilà, donc c'est évidemment une reprise de Police. Alors, je sais pas si j'avais dit une reprise de Police, qui date, je crois, des années 70, 76, 78, par là, il me semble. Et donc, l'original parle d'une prostituée, donc Roxane, et d'un homme, donc, qui est amoureux d'elle et qui n'en peut plus de l'avoir faire ça. Voilà, la chanson d'original est déjà un peu tragique, mais il y a ce petit côté bête tango déjà, hein, mais tango un peu tango reggae, voilà, un peu Police qui vient un peu atténuer ce côté tragique. Bon, voilà, Baz Luhrmann a décidé de plonger complètement dans ce côté-là, et c'est pour mon plus grand bonheur, pour votre plus grand bonheur aussi, j'espère. Voilà, El Tango de Roxane, recomposé par Craig Armstrong pour Moulin Rouge en 2021, et voilà, c'était la chanson du jour dans été.mp3. Bonjour à tous, bienvenue dans été.mp3. Aujourd'hui, on va parler d'un groupe basque qui fait de la musique celtique, du rock celtique, comme on pourrait dire ça. Vous les avez déjà entendus dans cette antenne, dans une émission de La Boîte à Gants, c'est Sheep and Beer. On va écouter la chanson du même nom, sortie en 2022 sur leur premier album, Baona. Et on en parle après, comme d'habitude. Breeze, yeah. Cheap and Beer avec la chanson du même nom. C'est sorti en 2022 sur leur album Baona, B-A-A, et plus loin, Ona. Bon, je vous mets un peu cette version-là, c'est la version qu'ils ont enregistrée pendant le confinement, mais ils sont un petit peu à la bourre, ils n'ont pas encore mis leur chanson sur les plateformes. Voilà, n'hésitez pas à leur écrire pour leur dire que vous vous attendez sur les plateformes, parce que ça fait un moment, mais non, ça va, ça suffit. Et donc voilà, une chanson donc, de présentation, puisque c'est la chanson qui porte le nom du groupe. Baona, sorti en 2022, une dizaine de chansons de Cheap and Beer, toutes originales, il me semble, oui. Voilà, si vous voulez en apprendre plus, beaucoup plus longuement, on a fait une interview avec eux dans la boîte à gants. C'était, je ne sais plus, c'était fin d'année 2022 ou début 2023. En tout cas, c'était par là. Vous retrouverez facilement tout ça sur radionoculture.wordpress.com en tapant Cheap and Beer ou en cherchant la boîte à gants ou en scrollant un petit peu sur la page d'accueil. Vous verrez, c'est un site qui est assez facile à comprendre. Cheap and Beer, donc, un groupe de, on va dire, rock celtique, c'est peut-être le plus simple. Ils sont 6, il me semble, en ce moment. Une guitare électrique, une guitare acoustique et un chant. Guitare électrique, qui chante aussi, hein. Batterie, basse, un violon, et de temps en temps, il y a une flûte qui les rejoint. Voilà, donc un groupe qui est... Bon, là, c'est un petit peu la chanson de présentation, donc elle est un peu calme, tout ça. Mais ils ont tendance quand même à envoyer plus du pâté, surtout en live, où ils jouent quand même en plus assez longtemps. Donc, n'hésitez pas à aller les voir si jamais vous les voyez dans le coin, ou à les inviter à jouer. C'est vraiment une bonne ambiance, c'est de la musique du rock celtique, donc c'est toujours cool à écouter. Avec une petite pinte de bière. Ils font leurs chansons, ils font aussi des standards de la musique celtique, des pogs, etc. Et voilà, surtout n'hésitez pas aussi à les suivre sur Facebook, Instagram, à leur demander encore une fois quand est-ce qu'ils vont mettre les chansons sur toutes les plateformes, parce qu'ils sont sur le point de le faire. Je crois qu'ils ont eu un problème d'ordinateur au moment où vous voulez le faire. Voilà, ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. C'est pas très grave pour l'instant. Vous pouvez écouter quelques chansons sur YouTube. Il y a peut-être aussi un Bandcamp, j'avoue que j'ai pas vérifié là tout de suite, un Bandcamp de Sheep and Beer, voilà, Sheep and Beer, donc des moutons et de la bière, pour ceux qui veulent après les retrouver sur les réseaux. C'est sorti donc leur album Baona en 2022, et voilà, nous on réécoute une nouvelle chanson la prochaine fois. Salut.